de filles éphémères. Chasser tous les regards, oublier toutes les prières. Il y a tant et tant de choses quand le soleil se pose au milieu de la nuit sur une fleur éclose. Parce que chaque minute, chaque seconde, chaque culbute, sur le rivage, je descends quelquefois regarder les naufrages. Parce que chaque minute, chaque seconde, chaque culbute, chasser tous les regards, oublier toutes les prières. Chasser tous les regards, les prières.